بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a commencé la semaine dernière la lecture de cet épître du très savant l'imam Ibn Baz rahimahullah concernant les invocations et les azkar. On avait commencé l'introduction du livre et on n'avait pas fini l'introduction. Aujourd'hui on va tâchez, inshallah ta'ala, de finir cette introduction. Il dit l'auteur, rahimahullah, وَالْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَدُعَائِهِ سُبْحَانَهُ مُسْتَحَبٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَالْمُنَاسَبَاتِ. Et le fait de faire beaucoup le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de beaucoup l'invoquer, subhana, cela va être recommandé à tout instant et pour toute occasion. Wa fi as-sabah wa al-masa, donc le matin, à l'aube et le soir. Wa inda an-nawmi wa al-yaqadha, au moment de dormir et au réveil. Wa dukhul al-manzil, au moment de rentrer à la maison. Wa al-khuruj minhu, quand on sort de chez soi. وعند دخول المسجد والخروج منه, au moment de rentrer dans la maison, au moment de rentrer dans la mosquée et de sortir de celle-ci. Pour tous ces sujets que l'auteur a cités, il va aborder à chaque fois un chapitre spécifique, inshallah ta'ala, et d'autres chapitres encore. لما سبق من الآيات الكريمات, et tout cela en se basant sur les versets précédents que nous avons cités. وَلِكَوْلِهِ تَعَالَى, et aussi en se basant sur la parole d'Allah le Très-Haut. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, et prône la pureté de ton Seigneur par sa louange le soir et le matin. Le soir et le matin. وَقَوْلُهُ تَعَالَى, ainsi que la parole d'Allah le Très-Haut. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, et prône donc la pureté de ton Seigneur par sa louange avant le lever du soleil et avant le coucher. Ainsi que la parole d'Allah le Très-Haut. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, et ne chasse pas, ne délaisse pas ceux qui invoquent leur Seigneur. Ceux qui invoquent leur Seigneur, bilradati wal ashi, et donc le matin et le soir, ils désirent la face de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il y a dans ce dernier verset qu'on vient de voir, le dernier verset qu'a cité l'auteur, premièrement l'importance des fréquentations. Lorsque tu vois des gens qui s'efforcent d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, des gens qui s'efforcent de chercher à se rapprocher de lui, ce sont de bonnes fréquentations. Nous devons faire attention à nos fréquentations. Et aussi, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il nous dit donc ceux qui l'invoquent, yad'una rabbahum. Il faut savoir que ici, on a déjà vu qu'il y a deux formes d'invocation. On a l'invocation dans la demande, le fait de dire « Oh Allah, accorde-moi ci, oh Allah, accorde-moi cela. » Et on a l'invocation dans l'adoration. C'est-à-dire que tout acte d'adoration que tu fais, la prière, la zakat, le hajj, tous ces actes d'adoration-là, ce sont des invocations dans la législation. Pourquoi ? Parce que lorsque tu fais ton acte d'adoration, c'est comme si tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, « Oh Allah, permets-moi d'entrer au paradis par cet acte-là. Oh Allah, accepte cet acte de moi. » L'auteur continue à nous citer des preuves, montrant le fait qu'il est recommandé de faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous cite la parole d'Allah azza wa jal. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْسَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, et donc il leur a fait révélation en leur ordonnant, prenez la pureté de votre Seigneur matin et soir. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, et donc aussi la parole d'Allah Ta'ala, et prône la pureté de ton Seigneur par sa louange lorsque tu te lèves. Certains savants nous disent ce qui est voulu ici, c'est le fait de se lever la nuit. le fait de faire qiyam al-layl. Donc dans ce verset, il y a le fait de nous inciter à prier la nuit. Wa min al-layli fasabbihhu, et aussi pendant la nuit, alors donc prône sa pureté wa idbar an-nujum, et le matin. Ce qui est voulu par idbar an-nujum, ça va être le matin. Et donc on voit souvent, barakallahu fikoum, on voit souvent dans beaucoup de versets, il y a énormément de versets qui nous citent donc le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de l'adorer, de prôner sa pureté, sa grandeur, de le louer matin et soir. Les savants nous disent parce que ce sont les meilleurs moments. Ce sont les meilleurs moments, c'est pour ça qu'il est recommandé justement pour la lecture du Coran, la révision du Coran, etc. le matin et le soir. Ce sont des moments où souvent les savants conseillent donc ces moments-là. Et d'ailleurs même il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aidez-vous des moments donc tôt le matin, le soir et aussi al-dhahira, c'est-à-dire après le dhahar. Et donc ce sont des moments où on peut réussir à trouver le temps pour réviser, pour profiter un peu du ilm. Parce que ce sont des moments où en général, les gens délaissent leurs occupations, le travail, parce qu'ils vont se reposer. Donc nous, un peu avant de se reposer ou après s'être reposé, etc. Si la pause midi, elle dure 2 heures, on ne va pas prendre 2 heures pour manger. On ne va pas rester 2 heures à manger. Et donc on prend une petite partie du temps pour manger, une autre partie pour la prière, et ensuite on a le Coran à lire, les Ezkar, etc., etc. Et donc ensuite l'auteur qui nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala fait subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyan wa hina tudhhirun. Subhanallah. Il y a dans ce verset donc les moments des 5 prières. Pureté à Allah lorsque vous vous trouvez donc durant la soirée. Hina tusbihun. Hina tumsun. Lorsque vous vous trouvez en soirée et à l'aube. Hina tumsuna wa tusbihun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ard. Et à lui reviennent la louange dans les cieux et sur la terre. Wa ashiyan. Wa ashiyan, c'est-à-dire le asar. Et donc on a déjà vu donc as-subh, la prière du subh, al-masa, on a al-maghrib et l'isha. Ensuite, il nous dit wa ashiyan, donc c'est le moment du asar, donc la soirée, enfin du moins lorsque la soirée commence. Et ensuite, on a wa hina tudhhirun, là c'est le moment du dhuhr. Et donc ici dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre le fait de prôner sa pureté durant ces 5 moments-là. Et donc il est recommandé tout au long de la journée, à tout moment, à tout instant, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de faire son rappel. L'auteur qui continue, il nous dit, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'emplissent d'orgueil en délaissant mon adoration rentreront en enfer avili, rabaissé. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de l'invoquer. Tu ne peux pas donc rester là, tu passes ta journée, ta soirée, tu n'as pas invoqué Allah azza wa jal. Comme si tu n'as pas besoin de lui. Comme si, c'est bon, déjà, alhamdoulilah, je fais ma prière, alhamdoulilah. Comme si tu n'as pas besoin de lui, à chaque instant, tu as besoin de ton Seigneur. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on prenne l'importance, qu'on prenne conscience de l'importance du sujet. L'auteur qui nous cite ensuite un verset très important, Allah Azza wa Jal qui dit, « Wa iza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. » Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et si mes serviteurs t'interrogent me concernant, alors je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Oh chers frères, méditez sur ce verset. Souvent, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous parle de ceux qui interrogent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit par exemple, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Il t'interroge concernant les stations lunaires. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ. Dit, ce sont des moments, ce sont des moyens de détermination du temps pour les gens et pour le hajj, pour le pèlerinage. Et donc, dis-leur cela. Il t'interroge, dis-leur cela. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Il t'interroge, il te demande, que doivent-ils dépenser ? قُلْ مَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِ السَّبِيلِ. Dis ce que vous dépensez, dis ce que vous dépensez comme bien, alors pour les deux parents, les proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Il t'interroge concernant l'alcool et les jeux de hasard. Dit, encore une fois, il dit, dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans plusieurs versets encore, plus d'une dizaine. Par contre, concernant le sujet de l'invocation, Allah Azza wa Jal, il dit, wa iza sa'alaka ibadi. Et donc, il a cité la question, l'interrogation. Si mes serviteurs t'interrogent me concernant, là, il n'a pas dit, dit. Il a répondu directement. Il dit, fa inni qarib. Certes, je suis proche. Il n'a pas dit alors, dis, certes, Allah est proche. Dis-leur que je suis proche. Il a répondu directement en disant, certes, je suis proche. Les savants, ils nous montrent qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il utilise cette formulation pour nous montrer que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire dans l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans son adoration. Nous avons besoin d'intermédiaire entre nous et Allah dans la transmission de la religion. Alors dis-leur telle chose, alors dis-leur telle chose, dis-leur telle chose. La transmission de la religion. Par contre, dans l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. On invoque Allah directement. Et Allah tabaraka wa ta'ala exauce. Il répond aux invocations de ses serviteurs. Et donc, comment allons-nous, après cela, délaisser l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme si nous pouvons nous passer de lui. L'auteur qui continue encore, il nous dit, Allah le Très-Haut qui dit, ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Invoquez votre Seigneur. Donc, invoquez votre Seigneur avec, en toute humilité et avec recueillement. وخفيا, c'est-à-dire le fait de ne pas le faire en public. Donc, invoquez votre Seigneur en toute humilité, avec recueillement et aussi, donc, en s'isolant. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Certes, il n'aime pas ceux qui transgressent. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et certes, ne semez pas la corruption sur terre après que celle-ci ait été réformée. وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Et invoquez-le avec crainte et espoir. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Il y a au cher Fikr, barakallahu fikoum, dans ce verset, le comportement qu'on doit avoir durant l'invocation. Premièrement, le fait, donc, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en toute humilité. Et insistance. En toute humilité, donc tu vas insister. Tu vas continuer, tu vas demander. Tu ne vas pas demander une fois et ensuite tu dis, c'est bon, j'ai déjà demandé, je ne vais pas redemander encore une fois. Hein? Tu fais preuve d'orgueil. Avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est bon, j'ai déjà demandé, je ne vais pas redemander une autre fois. Hein, comme on peut faire pour, hein, entre nous, avec des frères, j'ai demandé une fois à Issa, Issa il ne m'a pas donné, je ne vais pas lui demander une deuxième fois. Khalas. C'est fini. Hein? Quand les frères, donc, se fâchent entre eux pour des raisons mondaines. Et donc, certains vont adopter ce comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. A'udhu billah. Et donc, tu invoques ton Seigneur tabaraka wa ta'ala en toute humilité, tu vas demander et demander et redemander. Parce que c'est toi qui as besoin de lui, tabaraka wa ta'ala. Et tu vas le faire avec ikhlas. Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas besoin d'invoquer Allah devant tout le monde, hein? De montrer à tout le monde que tu invoques Allah. Hein? Tu lèves les mains devant tout le monde. Oh Allah, tu montes la pied. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin, quand tu es à la mosquée avec tout le monde, il y a tout le monde à la mosquée, tu n'as pas besoin de lever les mains, que tout le monde sache que tu es en train d'invoquer. Tu peux très bien invoquer sans lever les mains. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde sache que tu es en train de faire ça? Et donc, il est important qu'on ait l'ikhlas. Le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Le fait de ne pas dépasser les limites. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Il n'aime pas ceux qui transgressent, ceux qui dépassent les limites. Ceux qui vont dépasser les limites dans l'invocation, ils vont demander ce qui n'est pas permis. Ils vont exagérer le fait de lever les mains trop, le fait d'invoquer à haute voix, trop fort, etc. Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas la transgression, même dans l'adoration. Il y a aussi, parmi les comportements qui sont cités dans ces versets, le fait de ne pas désobéir à Allah. Tu veux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, obéis-le. Tu n'es pas là à invoquer pendant que tu es en train de pécher. Obéis à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, wala tufsidu fil ard. Ne semez pas la corruption sur terre. Semez la corruption sur terre par le péché. Le péché, c'est le fait de semer la corruption sur terre. Il y a aussi le fait d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, khawfan wa tama'a, avec peur et espoir. Tu as peur du châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et tu espères sa récompense, tabaraka wa ta'ala. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisant. Et aussi, barakallahu fikoum, donc le dernier verset que l'auteur il nous cite avant de continuer avec quelques hadiths dans cette introduction. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, ainsi que la parole d'Allah, subhanah, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ. Qui est celui qui exauce Al-Muddar, c'est celui qui va être poussé, qui n'a pas le choix. Celui qui est forcé. Celui qui est dans une situation de détresse. Qui est celui qui exauce celui qui est dans une situation de détresse quand il l'invoque et qui repousse le mal? Qui fait cela? Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il pose cette question, mais ce n'est pas une question pour avoir une réponse. La réponse, elle est connue. C'est une question pour blâmer ceux qui vont invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez très bien que celui qui exauce, celui qui est en détresse, c'est Allah. Lorsque les gens sont dans une situation de détresse, ils ne vont pas chercher leur fausse divinité. Ils sont là, oh mon Dieu, oh my God, directement. C'est fini le polythéisme. Ils pensent qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc pourquoi est-ce que lorsque vous êtes dans une situation paisible et agréable, pourquoi est-ce que vous allez invoquer autre que lui? Et donc dans l'invocation, on doit invoquer que Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui continue et nous cite quelques hadiths. Il nous dit, wa fi sahih al-muslimin, an Uqbah ibn Amir radiyallahu an, qala kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi as-saffah. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطع رحم. Et donc Muslim cite dans son Sahih d'après Uqba ibn Amir رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu les voir un jour alors qu'ils étaient dans avec les gens de Es-Soffa. C'étaient les pauvres qui donc dormaient dans la cour de la mosquée. Et donc il est venu les voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était des pauvres. Et il leur a dit, lequel d'entre vous aimerait tous les matins partir à Bubhan ou Al-Aqiq? Ce sont deux endroits qui sont à l'extérieur de Médine, mais proches. Et qui revient donc tous les matins avec deux chamelles pleines, sans avoir commis de péché, donc sans avoir volé, sans avoir commis de péché, et sans avoir donc manqué de respect aux liens de parenté, sans avoir donc brisé les liens de parenté. Qui est-ce qui aurait aimé faire ça? Tous les matins, tu pars, pas bien loin, tu reviens avec deux chamelles pleines. Les sahabas, ils ont dit, « Ya Rasulallah, nuhibbu dhalik !»« Oh, messager d'Allah, on aurait tous aimé cela !» Et là dit sallallahu alayhi wa sallam, أَفَلَا يَغْدُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمْ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: alors l'un d'entre vous ne pourrait-il pas partir tous les matins à la mosquée et apprendre ou lire deux versets du livre d'Allah Azza wa Jal? Cela est meilleur pour lui que deux chamelles. Deux versets! Tu viens à la mosquée, tu apprends deux versets, Yahri. C'est mieux pour toi que deux chamelles. Il continue, sallallahu alayhi wa sallam, et trois versets sont mieux pour lui que trois chamelles. Quatre versets sont mieux pour lui que quatre chamelles. Et ainsi de suite. Combien de chamelles on a perdu? Hein? Au lieu de chercher à apprendre le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à faire son rappel, on est là à perdre de temps, ou à courir derrière la dunya, ou à être paresseux, ou. Et donc il est important, on cherche qu'à comprendre conscience de l'importance du sujet. Il continue l'auteur, rahimahullah, wa fi sahih al-Bukhari, an Uthman, radiyallahu anhu, an al-Nabiy, sallallahu alayhi wa sallam, annahu kal, khayrukum, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Uthman, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Wa fi sahih muslimin an abi umamah al-bahili qala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ikra'u al-quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ahli ashabihi. Dans sahih muslim, d'après abi umamah al-bahili, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: récitez le Coran, car il viendra au jour de la résurrection en tant qu'intercesseur pour ses adeptes. Et aussi, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa fi sahih muslimin aidan min hadith Nawas ibn Sam'an. Donc dans sahih muslim, toujours d'après le hadith de Nawas ibn Sam'an, radhiyallahu anhu, qui dit: sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul yu'ta bil qur'ani yawm al-qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu aw na'am taqdumuhu suratul baqara wa ali imran. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: on viendra au jour de la résurrection avec le Coran et ses adeptes, les gens du Coran, ceux qui œuvraient avec celui-ci ici-bas. Et certes, celui-ci, donc les sourates qui seront mises en avant seront Al-Baqara et Ali Imran. Et donc, barakallahu fikoum, il y a énormément de hadiths qui montrent l'importance de lire le Coran, d'apprendre le Coran et de chercher à avancer dans le Coran. Et pour finir, le dernier hadith que nous cite l'auteur, rahimahullahu ta'ala, wa an Abdillah ibn Mas'udin radiyallahu anhu qal sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui récite une lettre du livre d'Allah, il aura par celle-ci une hasana. Et certes, la hasana, la récompense, est multipliée par 10. La akoul, je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais je dis alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre, rapportée par At-Tirmidhi avec une bonne chaîne de transmission. Et donc voilà l'introduction du Cheikh Ibn Baz qui s'achève dans ce sujet. Et maintenant la question, c'est les hadiths que l'auteur il nous a cités. Ce sont des hadiths qui nous montrent l'importance d'étudier la religion, l'importance d'apprendre le Coran, l'importance de lire le Coran. Mais le sujet du livre, le sujet de l'épître, c'est les invocations et les azkar. Quel est le lien entre les deux? Quel est le lien entre les deux? Ouais. Quel est le lien entre le fait, entre ces ahadiths-là qui concernent le fait de lire le Coran et d'apprendre la religion et de l'enseigner, et le sujet du livre qui est dans l'invocation et les azkar? C'est-à-dire, explique-moi. Les meilleures invocations, c'est dans le Coran. Le meilleur du zikr, c'est le Coran. Et donc, en fait, il faut comprendre, barakallahu fikoum, que le terme zikr va avoir plusieurs significations. On va avoir le terme zikr pour ce qui va être spécifique, ce sont les invocations qu'on va faire. Hein, les invocations du matin, les invocations du soir. Ça, c'est du zikr. Mais aussi, il faut savoir que tout acte d'adoration que tu vas faire, c'est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas faire talab al-ilm, tu vas étudier ta religion, c'est du rappel d'Allah. Tu vas prier, c'est du rappel d'Allah. Tu vas lire le Coran, c'est du rappel d'Allah. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de comprendre que le terme azkar, c'est un terme qui est général. Les gens, quand ils entendent azkar, ils comprennent que les invocations du matin et du soir. Alors que non, c'est bien plus général que cela. Et l'auteur, après cela, il va commencer donc plusieurs chapitres, qu'inshallah ta'ala, qu'on va commencer la semaine prochaine. Le premier chapitre qu'il va aborder, c'est Faslun fi bayan al-azkar al-mashru'ati ba'da as-salam fi as-salawat al-khams. Et donc un chapitre donc concernant l'éclaircissement des azkar, donc les invocations qui sont légiférées après le salam lors des cinq prières. Quel est le comportement à avoir? Quelles sont les invocations qu'on peut faire après chaque prière? On verra ça la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.